Les fleurs se fanent, les larmes me gagnent, tes rires s'effacent, mes rêves me glacent. Quand tu réveilles, ma voix bégaye, est-ce que ça va? Bien dans ses bras, plus rien n'est beau, même vivre faux. Toi qui croyais toujours aimer, tu brûles ailleurs d'un autre bonheur. Je peux rester. Rien t'importerait. Qu'il est triste ce refrain depuis que tu n'es plus là. Oh, oh, oh. Et il pleure en moi. Comme pleurait nos destins. Qu'il est triste ce matin où tu dis que tu t'en vas. Même les remords dans ma voix semblent n'avoir été que vains.